Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors ce soir, eh bien, nous devions recevoir la marche nordique. Et puis il s'est avéré que les responsables sont décommandés au dernier moment. Ils veulent plutôt nous rencontrer au mois de septembre. C'est compréhensible parce que ce sera le début de saison pour eux. Et puis, c'est vrai aussi qu'on n'a pas évoqué mai 68. Hein, je me souviens, pour le 40e anniversaire de mai 68, on avait fait des émissions. On avait d'ailleurs fait témoigner des anciens de mai 68. Aujourd'hui, ben, on est trois autour des micros d'RGM. Hein. Il y a Guy, qui est notre invité ce soir. Bonsoir, Guy. Salut, bonsoir. Et puis bien sûr, celle qui va mener les débats ce soir. Oh, ouais, je sais pas, j'ai des questions. Ma collimatrice Félicie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, et puis la technique Marcus, comme d'habitude. Alors, mai 68, c'est vrai que c'est un héritage, c'est une révolution, je crois même, hein, parce qu'il y a une sorte qui a dit que c'était une révolution. Mais en réalité, il y a eu quand même eu des violences, il faut le dire comme il était, même si les violences, la plupart du temps, étaient du côté des forces de l'ordre, hein, puis quelquefois aussi les casseurs, entre parenthèses. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'était véritablement une révolution, mais surtout, c'était une révolution sur les mentalités. Alors, il n'y a pas si longtemps qu'on sortait de la guerre d'Algérie, on avait une société très conservatrice. Cette société avait évolué déjà parce que bah, on était en pleine consommation. Il y avait la génération d'après-guerre aussi qui grandissait, hein, qui était souvent un peu partout, j'allais dire. Hein. Oui. En parlant de la jeunesse qui grandit. Il paraît, enfin, dont j'ai lu un magazine religieux, il paraît que mai 68 a véritablement commencé en Californie en 65. Oui. Il y a eu des soulèvements d'étudiants. À la base, ça venait vraiment des étudiants, des jeunes. Et en France, il y a eu, avant que les universités, enfin c'était Nanterre, hein, la première qui s'est mise en branle, il y a eu en France énormément de grèves qui ont annoncé un petit peu mai 68. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements ouvriers à Nantes, dans les usines au Châtier-Naval, dans énormément d'usines, il y a eu des mouvements. Chez les mineurs, il y a eu des mouvements un petit peu partout. Il y avait vraiment une grogne sociale qui ressemble, toute proportion gardée, à celle que l'on connaît en ce moment, hein, 50 ans après. Mais par contre, les conditions étaient complètement différentes, puisqu'il y avait beaucoup moins de chômeurs, il n'y avait presque pas de chômeurs, je crois que c'était 300 000 chômeurs. Hein, c'était vraiment quelque chose de très petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, il y avait une population jeune qui voulait bouger, effectivement. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Ou quelques universités qui sont dans l'action. Par contre, il n'y a pas encore énormément de jeunes dans la rue, globalement. Oui. Voilà, tu voulais... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la rue. C'est peut-être dû au fait qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ont tellement la trouille d'être au chômage, d'avoir des problèmes, qu'ils préfèrent peut-être se rester dans le moule. Mais c'est dommage, parce qu'il faudrait qu'on frappe un grand coup, quoi. Mais... Tout le monde le dit, tout le monde en est persuadé, mais il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement de mouvement pour le confirmer, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a une grosse crainte. Il y a quand même 6 millions de chômeurs environ aujourd'hui, avec 3 millions et demi qui reçoivent des allocations seulement. Il y en a d'autres qui sont en formation, en stage parking, que sais-je, qui ne sont pas comptabilisés, qui sont en conversion, bon, etc., etc. Donc c'est très pesant sur l'atmosphère actuelle. Oui, et c'est vrai aussi que mai 68, ça a duré un mois et demi, mais qu'est-ce qu'on a retiré, quoi, Guy? Michel, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était énorme, c'était énorme. Les salaires ont augmenté de 30%, ouais. Le SMIC a augmenté de 30%. Il y a la création les salariés ont eu enfin la parole dans les entreprises. Il y a eu la légitimité de la section syndicale d'entreprise. Ouais. Hein, qui n'existait pas avant. Tout à fait. Il y a eu, et puis alors, bien sûr, des mentalités, quoi, hein, parce que on était dans une société extrêmement rigide dans les mœurs, extrêmement rigide dans un conservatisme à tout point de vue. On a dit, mai 68 aussi, à libérer la parole. Hein, avant, je pense qu'il y avait quand même. De Gaulle disait, ben voilà, hein, là j'ai plusieurs. J'ai des boutons, là. Je peux convoquer le responsable, le premier responsable de l'ORTF, c'était l'ORTF à l'époque qui avait exclusivité de la communication, je peux tel journal, etc., hein, pour faire passer la bonne parole. Mai 68 a énormément libéré la parole. En particulier celle des jeunes. Et puis aussi, il y a le côté aussi libération des femmes. Mais on y reviendra au fur et à mesure. Oui. Mais tu parlais Nantes tout à l'heure. Les chantiers navals de Nantes ont toujours été, à cette époque-là, en pointe dans les grèves, c'était dans les manifestations. Navals, ouais. Parce que moi, j'ai vu. C'était des chantiers navals qui étaient touchés. Mais j'ai vu récemment. J'ai vu à Nantes un paysan qui explique qu'après la nuit du 24 mai, il se rend à Nantes et il rencontre les étudiants qu'il voit en fait soulever comme lui, qui ont les mêmes revendications. Et en fait, ces paysans, ils étaient attendus par les ouvriers pour que les paysans leur donnent à manger. Il y a eu 500 litres de lait à Nantes le 25 mai. Qui ont été distribués aux ouvriers. Et la femme de ce paysan expliquait qu'il y avait une solidarité à toute épreuve. C'était vraiment une il n'y avait pas que chez les hippies, hein, pas que chez les jeunes. Il y avait toute cette population de paysans, d'ouvriers, qui se soutenaient, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, la solidarité. Une telle solidarité, il faudrait je sais pas quoi pour qu'on redevienne solidaire comme ça. Quand il y a un mouvement social intense, quand il y a une occupation d'usine encore maintenant, on voit la souterraine, on voit les Fralib par exemple, il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est développée hein, dans le mouvement même. Entre les ouvriers de l'usine qui occupent et qui tiennent le coup, les autres viennent sur l'œil. Oui. Elle existe encore, il suffit de la voir. Créer. Il me semble que je le réalise pas trop. En mai 68, moi j'étais assez jeune, j'avais 13 ans et demi, mais on écoutait la radio. Alors, le souvenir que j'ai... On n'avait pas la télé, il y avait un transistor chez mes parents. Oui. Je me souviens, il était jaune orange. Oui. Oui. Et ce que j'ai fait en mai 68, j'ai pas fait grand-chose, ça n'a pas duré longtemps. J'étais au CEG à Rue-sur-Moselle. Et on disait CEG à l'époque. On disait CEG, collège d'enseignement général. C'était pas très loin de la mairie maintenant, dans un vieux bâtiment. Il y avait des escaliers en ciment qui montaient donc, de la cour au premier étage, puis il y avait un autre étage. Sur les marches de l'escalier du premier au deuxième étage, avec, je sais pas, trois ou quatre, je crois, je me souviens plus même qui c'était. Alors, chacun à bout de craie, on a écrit « Grève générale ». Et monsieur le directeur à l'époque, qui s'appelait Jean-Noël, je sais pas comment il était prévenu, il est arrivé au bout de 10 minutes. « Effacez-moi tout ça !» Et voilà ce que j'ai fait en mai 68. Et en ce qui me concerne, j'étais à Paris, dans les premières manifestations étudiantes. Hein, c'était très impressionnant parce que j'ai travaillé sur les grands boulevards, pour plus précisément boulevard Bonne Nouvelle, hein, c'est près de la porte Saint-Denis. Et les manifestations étudiantes, c'était les premières manifestations importantes, et très pacifiques d'ailleurs, hein, tant qu'on ne leur a pas tapé dessus, c'était très pacifique, remplissaient absolument tous les grands boulevards. Et Dieu sait qu'à Paris, pour ceux qui connaissent Paris, depuis République jusque vers les galeries Lafayette, là-bas, boulevard Haussmann, ça fait quand même de la place. Hein. ça fait oui. de la place. Et c'était des énormes manifestations. Alors les étudiants, bon, on n'était pas en grève encore, hein, les salariés n'étaient encore pas en grève, nous disaient, allez, les télégraphistes, là, j'étais télégraphiste à l'époque, allez les télés, là, les Brémards, il faut nous rejoindre, etc. Vous dites, ah, bientôt, on va faire grève. Ouais. mais c'était tout, quoi. Alors, après, il s'est trouvé que j'ai été isolé du mouvement, parce que pour une bonne raison, c'est que j'avais ma mutation en poche pour Gérardmer, dans les Vosges. De Parisien, je redevenais Vosgien. J'avais demandé ma mutation pour les Vosges. Et je vais même me retrouver à Gérardmer. Et dans l'attente d'être réellement muté à Gérardmer, d'avoir la date de mutation, j'épuisais mes congés, puis surtout mes repos compensateurs, parce que, étant télégraphiste, bien sûr, on travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait souvent 7 jours sur 7. Ouais, on avait des compensations en échange. Donc, je n'ai pas connu les violences qu'il y a pu avoir, enfin, les manifestations violentes, les barricades et tout ça, à Paris en mai 68. Oui, mais alors, le 24 mai, la fameuse nuit, t'étais où? T'étais dans les Vosges? J'étais chez moi. T'étais chez toi? À la ferme familiale, tranquillement, en train d'écouter la radio pour savoir ce qui se passait. Ouais. Mais Michel, alors, est-ce que t'as... Enfin, je pense que c'est intéressant de savoir comment t'as... Bon, tu nous expliquais comment tu avais vécu les choses à Paris, comment tu les as vécues quand tu es rentré en regardant la télé dans ta maison. Et la radio, en fait, on n'avait pas de télé, bien sûr. Qu'est-ce que tu as retrouvé de commun de Paris à ici? Ici, c'était beaucoup plus, disons, discret. Hein, discret. D'accord. Il y avait des grèves chez Bragard, il y a eu des grèves à FTS, je ne sais pas, des autres usines, hein, parce qu'on n'avait pas de nouvelles, hein, étant donné que de toute façon on ne pouvait plus circuler. Alors pourquoi me suis retrouvé coincé à Saulxures-sur-Moselotte, puisque j'habite à Saulxures-sur-Moselotte? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de train, il y avait même des coupures de courant, il n'y avait plus rien, c'était le monde no man's land complet. Oui. Les informations qui arrivaient, c'était des informations parisiennes, bien sûr, hein, sur le transistor. Mais par contre, localement, on ne savait pas ce qui se passait. Hein, même les journaux n'étaient plus publiés, il n'y avait plus rien. Ah oui, il y avait des commerces qui étaient en rupture de stock, il n'y avait plus d'essence. Ouais. Ça circulait plus, hein, et s'il fallait circuler, c'était à pied, c'était tout. Donc les infos locales, on a su après qu'il y avait eu des grèves chez Bragard, chez FTS, pour ce qui concerne la vallée de la Moselotte. Le reste, j'ai pas trop su. Il y a une info que j'ai lue. Par contre, je suivais les événements parisiens de près, hein, parce que d'autant plus que je ne savais pas quand j'allais prendre mon service à Gérardmer. Et donc, quand véritablement j'ai épuisé mes congés, mes compensateurs, j'ai téléphoné à Paris. J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir le bureau télégraphique, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que pourtant le télégraphe, c'était 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pas dans le bureau où j'étais, mais globalement, sur Paris, c'était vraiment névralgique, ouais. Absolu, ouais. le télégraphe. Hein, il y avait quand même des télégrammes qui venaient de toutes les parties du monde, qui arrivaient à Paris-Bourse en particulier. Hein, c'était la grande époque des SAGEM, les premiers pagineurs d'ailleurs. Autrement, nous, on collait encore des bandes sur les télégrammes. C'était vraiment encore très archaïque, mais il y avait quand même une communication rapide. Et puis, il y avait un réseau pneumatique sur Paris. C'est-à-dire que les lettres étaient acheminées par un réseau pneumatique. Mmh. Et c'était pratiquement instantané, puisque tu vas poster une lettre dans une boîte de pneumatique. Je ne sais pas, par exemple, la Défense n'existait encore pas, hein, on va dire à Montparnasse. Elle arrivait une demi-heure plus tard, même peut-être 5 minutes plus tard, ça dépendait du réseau pneumatique. C'était un réseau pneumatique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des curseurs qui voyageaient dans des tuyaux à travers Paris. Et donc, il arrivait 5-10 minutes, peut-être une demi-heure ou grand maximum plus tard, dans le 20e arrondissement, par exemple, hein, je ne sais pas, à Belleville. Et puis, et puis était distribué dans le quart d'heure qui suivait. Quand tu bloques toute cette communication qui était vraiment névralgique, hein, pour pour Paris. Parce que les commandes se passaient comme ça, c'était par pneumatique, par télégramme, par message téléphoné, parce qu'il y avait aussi des messages téléphonés. Mais le réseau pneumatique et télégraphique était privilégié. Et malgré ça, j'arrivais pas à voir. Et puis, au bout d'un moment, il y a un inspecteur qui a décroché, qui a dit au robot, de toute façon, je suis tout seul en permanence, je fais ce que je peux, qui m'a dit, et puis, de toute façon, si vous êtes en vacances, ben, restez chez vous, continuez vos vacances. Voilà, c'était comme ça. Parce que j'ai dit, ben, moi, je veux bien être porté en grève, hein, il n'y a pas de problème. Je faisais déjà grève avant, mais j'ai pas eu l'occasion. Alors, quand je suis rentré, aussi paradoxal que ça puisse paraître, à un moment donné, j'ai eu un télégramme de service, puisque entre nous, il y avait des télégrammes de service pour nous avertir, qui a atterri à Saulsur quand même, qui est distribué à Saulsur, pour me dire, ben, ça y est, le télégraphe remarche, on était début juin, le télégraphe remarche, est-ce que vous comptez toucher votre paye, parce qu'on touchait la paye de main à la main, et puis vous êtes averti que vous êtes nommé à Gérardmer depuis le 27 mai. début juin, mais c'était resté dans un sac. Par contre, Gérardmer m'attendait. Oui. Alors j'étais accueilli fraîchement quand je suis arrivé à Gérardmer. Mais entre-temps, j'étais voir mon receveur, ben, je dis, ben, de toute façon, vous me portez en grève à partir du 27 mai. On me dit, mais non, pas question, vous étiez bloqué chez vous. Je téléphone au directeur départemental des Vosges, il n'y a pas de raison que vous soyez porté en grève. Parce que les autres, oui, ils récupéraient, hein, les jours de grève pour ne pas perdre trop d'argent, bien sûr. Non, ben, finalement, je n'ai jamais été porté à une journée de grève alors que je voulais faire grève. Et quand je suis arrivé à Gérardmer, j'ai été accueilli fraîchement. Parce qu'eux, ils avaient déjà repris le boulot le 26 mai. Voilà pour la petite histoire de mon mai 68. Alors, quand je suis arrivé à Gérardmer, le premier jour, je suis arrivé en retard. Parce que je ne savais même pas où était la poste à Gérardmer, j'étais parti en vélo, parce qu'il fallait un vélo en plus, et depuis Saulsur. Et puis le facteur chef qui me dit, mais on vous attend depuis le 26 mai. Je dis, mais c'est pas un gré, vous. Voyons. Alors là, pour la petite histoire un petit peu, mais c'est vrai que ça a marqué énormément les esprits. J'étais préparé, hein, parce que je me souviens des grandes grèves aussi qu'il y a eu en 1967, en particulier, par rapport à la défense de la sécurité sociale, c'est-à-dire que De Gaulle a pondu des ordonnances, ça existait déjà à l'époque, des ordonnances sur la sécurité sociale pour séparer les trois branches de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, je devrais même dire les quatre branches, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale, c'était un système unitaire, avant, hein, sur ce mode anglais de Beveridge. Hein, c'est-à-dire une universalité d'un système de santé, de prestations sociales. Et là, De Gaulle avait pris la décision de séparer les trois branches de sécurité sociale, c'est-à-dire la retraite, la CAF, les allocations familiales, et l'assurance maladie. Ça en fait et l'URSSAF, était créée. Il était créé à ce moment-là pour justement être percepteur en quelque sorte des cotisations sociales. Donc ça avait quand même déplu au mouvement social, parce que en même temps que cette séparation des trois branches de la sécurité sociale, il y avait aussi dépossession des usagers par rapport à la sécurité sociale, puisque d'un système où c'était véritablement les syndicats représentants des usagers qui étaient représentés majoritairement dans les caisses depuis la libération, De Gaulle a décidé un paritarisme. Voilà. Alors donc, ça avait mécontenté énormément les syndicats. Je pense juste qu'il faudrait rappeler, alors un des principes de... comment ? De Beveridge. Enfin, du Conseil national de la résistance. Voilà, et qui dit, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et il est intéressant de le rappeler dans l'époque où on vit, je ne saurais plus qui l'a dit, c'était cotiser selon ses moyens, bénéficier selon ses besoins, et c'est d'actualité largement ici, surtout sur le coin, quand on sait... Vous pouvez répéter ? Je répète, hein, cotiser selon ses moyens et bénéficier selon ses besoins. Je dirais qu'il est, pour faire une petite aparté, qu'il est d'actualité ici. C'est encore d'actualité aujourd'hui, mais en sachant bien que de toute façon, on a grignoté la sécurité sociale. Et puis les réformes futures, il faut voir qu'on essayera de plus en plus d'aller vers de l'assurantiel et non pas de la solidarité. Alors Guy, vous aviez 13 ans, c'est l'époque où on écoute la radio, la musique, ça commence. Vous entendiez quoi sur les ondes françaises? Parce qu'il y avait toutes ces musiques anglaises, etc. Il n'y avait pas. Et puis, il faut rappeler qu'à l'époque, chez moi, chez mes parents, on avait un transistor. Un seul. Oui. Et il ne marchait pas à longueur de journée. On écoutait les informations. Oui, et il n'y avait pas toujours quelque chose. On prenait quand même au bout du pré pour aller faner. Ils ne sortaient pas de la maison, ça je me souviens. Curieuse de savoir, Michel, toi, t'entendais de la musique française, c'était quoi en fait? C'est commencé à l'époque des yéyés. Oui, il y avait de l'accordéon aussi. Il y avait aussi de l'accordéon, bien sûr. Mais là, c'est vrai que les rythmes. Non, c'était le même un peu. Les rythmes d'outre-Atlantique avaient été interprétés de manière française. Attends, Michel. Il y avait Frank Sinatra quand les même. Les yéyés, c'était quand même avant la musique des années 70. Donc les yéyés étaient déjà démodés. Il y avait encore les gens comme Johnny Hallyday passaient, Claude François, Sylvie Vartan, Hugo Frey, Eddie Mitchell. C'était presque exclusivement des versions françaises. Et je me souviens d'une journaliste, alors c'était mon père qui écoutait ça, une journaliste que je pense que peut-être dû connaître, Michel, Geneviève Tabouy. Oh oui. Alors c'était le dimanche, je crois, elle faisait une chronique. Elle était en gosse. Oui. Mais ça, moi je me souviens, mon père écoutait, apparemment il aimait bien, moi je ne comprenais pas trop ce qu'elle racontait, mais je me souviens qu'elle terminait. Elle terminait toujours sa chronique. Attendez-vous à savoir les nouvelles de demain. Et elle fait une analyse politique mondialisée. Très célèbre. Vraiment sur les équilibres, c'était pas mal. Alors nous, on faisait un petit peu rigoler étant jeune. Mais il n'empêche qu'elle assénait pas mal de vérités. Ouais. Et puis on était quand même dans une période où le monde était divisé en deux. D'un côté, les régimes communistes. Ouais. Je dirais presque encore stalinien. Et puis de l'autre côté, le capitalisme américain. Le rideau de fer était quasiment tout neuf. C'était le yin et le yang. Le rideau de fer était tout neuf. Oui. Quasiment tout neuf, il n'avait pas rouillé encore. Oui, exactement. Comme ça. Exactement. Il y avait eu bien sûr les guerres coliales. On a été très marqué par les guerres coloniales. On sortait de l'Algérie. Des aînés qui avaient participé à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est quand même terminé qu'en 62. C'est à partir de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, que véritablement le boom économique a monté. On a commencé à avoir des facilités, c'est-à-dire le transistor, la télé. La machine à laver, l'électroménager qui s'est développé, les appareils électroménagers, l'aspirateur, les automobiles, le boom de l'automobile, parce qu'avant il y avait guère que des vieilles tractions, quelques arondes, des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que vous parlez d'un monde divisé en deux, c'est ce qui se passe. Et un monde enfin, ce qui basculait complètement. Qui basculait du conservatisme d'un monde vieillot à un monde nouveau. Mais ce monde divisé en deux, en fait, dans 20 ans, il sera à nouveau réuni dans le bloc Est-Ouest du mur de Berlin. Que ce monde, ce 89, ce mur, 89 exactement, ça fait 20 ans après 68, quasiment, il y a un an de plus. Oui. On retrouve dans la cassure du mur de Berlin la volonté de réunifier le monde qu'il n'y avait pas avant. Il ne faut pas oublier quand même 1968, c'est aussi la révolte en Tchécoslovaquie. Puisqu'à l'époque, on parlait de la Tchécoslovaquie. Le printemps de Prague. Dubček. 1968. Avec Dubček en particulier. C'était évoqué après-midi sur France Inter d'ailleurs. En début d'après-midi, je ne sais plus quelle émission, c'était printemps de Prague. Le soulèvement de Prague et le printemps. Parce que là, on avait eu déjà des soulèvements qui avaient été réprimés de manière, dans le bloc soviétique, dans le bloc de l'Est, de manière assez sauvage, hein, en particulier en Hongrie, j'étais tout jeune, je crois 1956. Ah oui, donc c'était bien avant. Ou 54. C'était bien 54 avant. 54 ou 50. Mmh. Enfin, bref, je dirais 54. Et là, ça avait été réprimé de manière très sauvage, hein, les soulèvements, les tentatives de libéralisation, hein, de communistes. Parce que 68, en Tchécoslovaquie, c'était l'instauration d'un socialisme à visage humain, quoi, d'un communisme à visage humain, hein, qui était voulu. Mais ça bien sûr, le pacte de Varsovie n'en voulait plus, les pays de l'Est n'en voulaient pas, hein, parce que c'était un mauvais exemple. Mais je pense que 68... Alors qu'il n'y avait pas de lien direct, comme ça s'est passé par la suite, avec l'Occident, avec le régime capitaliste de l'Occident. À l'époque, c'était véritablement une volonté de certains peuples. Il y a eu aussi, de Gomulka en Pologne, des tentatives de soulèvement en Allemagne de l'Est et autres, quand même, et il s'en est suivi quand même un peu de plus de liberté pour les peuples. Puis Staline était mort, hein, entre-temps, fort heureusement d'ailleurs. Voilà, hein, même si Staline a eu un rôle déterminant dans la conduite de la guerre 39-45 au niveau de l'Est, il n'empêche que c'était quand même un dictateur particulièrement... Sanguinaire. Sanguinaire. Et sanguinaire même, on peut dire. Mais je pense quand même que 68, l'année fille de 68, c'est 89. Et 90. Oui, il y a eu beaucoup de choses avant. Et 90, c'est. Moi, La victoire de la gauche en 81 marque beaucoup les esprits aussi. Elle est pleine d'espoir d'ailleurs. Oui. Et le développement des radios libres. Oui, voilà. Oui, voilà. Avant 80, 1078. Ça commence à. Le monopole commence à vouloir craquer. Là, 68 a libéré aussi la parole. Il a libéré énormément la parole des femmes. Les femmes étaient vraiment. Des êtres qui étaient serviles, et il a fallu attendre quand même des années 70 pour qu'elles aient le droit d'avoir leur propre compte. La mini-jupe, comment elle s'appelait, celle qui a... C'est une anglaise. La mini-jupe, elle a été inaugurée. Marie Comte. Marie Comte. C'est une anglaise, je crois. Merci. Oui, c'est une anglaise qui a... La jeunesse voulait enfin profiter un petit peu de liberté, y compris au niveau de... au niveau de pouvoir quand même choisir sa vie, mais en même temps de pouvoir choisir son avenir, pouvoir prendre la parole, alors qu'avant c'était impossible, quasiment. Surtout qu'on oublie quelque chose, c'est que les jeunes à l'époque-là, ils subissaient souvent l'histoire de leurs parents. Oh, on a eu la guerre, ceci, on a eu ci, on a eu ça. Et les parents, je pense qu'ils se sont peut-être jetés dans la modernité, et que... tout ce qui était consommation, tout ça, les appareils électroménagers, et que les jeunes, finalement, peut-être, ils ont eu une intelligence de recul derrière tout ça, à se dire, mais où ça va nous mener, nous ? Il y avait ça aussi dans le mouvement. Ouais, certainement. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça aussi. Ouais. Hein, quand tu disais, quand tes slogans c'était sous les pavés de la plage, non, la société de consommation. Il est interdit d'interdire. Il y avait aussi ça. Il y avait aussi, ça préfigurait l'avenir en se disant. Puis les mouvements écologistes sont nés aussi en 68, faut pas l'oublier. Beaucoup, on a mis beaucoup en épingle l'extrême gauche, les maoïstes, etc. la LCR, etc. Mais il y avait encore autre chose, il y avait aussi des mouvements écolos, parce qu'il y avait aussi, pour certains, ce qui a créé le mouvement hippie un petit peu... Il existait déjà aux États-Unis. Qui existait déjà aux États-Unis, un refus de cette société de consommation dans laquelle on s'introduisait massivement. Où les gens acceptaient cette société de consommation. Deux ans après, je crois, enfin 70 ou 71, 71, je crois, à rue sur Moselle, à l'hôtel Prégoutte, il y a eu un festival pop, moi je m'en souviens, on l'entendait depuis chez mes parents. Ah, génial. Moi, j'ai pas pu y aller parce que... Il y a eu The Cool Stock. Peu de temps après. Mais c'était extraordinaire d'avoir un truc comme ça. Écoute, on habitait à vol d'oiseau à 500 mètres de l'hôtel Prégoutte à rue sur Moselle. On entendait ça résonnait. C'était. C'est lui qui a la tête de. Ouais, qui était là. Le jeune qui était à la tête de Vukustok, il était très jeune à l'époque, il est toujours militant d'ailleurs, il est militant dans une association, Hein, il était un moment même à RGM. Et donc ça s'est soldé par un gros déficit. Certainement. Il n'a pas pu assumer, parce qu'il était tout jeune. Mais enfin, c'était méritoire dans les Hauts-de-Vosges de développer un beaucoup stock. Extraordinaire. Oui, mais c'est pas du tout pour apprendre à la rigolade, au contraire, il faut en être fier. C'est pour ça que je disais que la petite sœur de mai 68, c'est un peu les années 90 et 89 quand la techno a démarré. Parce que nous, on était des petits lutins qui allions danser. Je sais pas s'il y avait beaucoup de techno dans les années. Non, pas dans les années 68. Ah non, la naissance de la techno, c'est 89 à Chicago et ensuite à Berlin. Ah oui. Parce qu'il y avait une radio, justement. La radio, elle passait à l'est et à l'ouest, tout autour du mur. Ah oui. Ils ne pouvaient pas séparer la radio. Ils pouvaient séparer les gens par le mur, mais ils ne pouvaient pas séparer la radio. Donc, il se trouve que l'est et l'ouest écoutaient la même chanson, les mêmes musiques, et ils ont apporté des musiques de Chicago qui étaient de la techno. Et quand le mur est tombé, ben, ils sont réunis, ils ont tous fait la fête. Et en 90, ça s'est généralisé à tout le monde entier. En fait, en 89, c'était encore à Berlin. À Chicago, il y avait des mouvements comme ça. Et ensuite, mais c'est comme Woodstock, quoi, Michel. Ah oui. On était dans des concerts, des DJ qui mixaient. C'était des petits Woodstock. Là aussi, c'est quand même une caractéristique de l'après-mai 68. C'est tous ces festivals qui se sont mis en place. Oui. Qui se sont mis en place, qui ont... Ben, parce que la jeunesse, ben, c'est notre génération, n'est-ce pas? Enfin, moi, je suis un peu plus vieux que Guy. Oh, c'était notre génération qui commençait véritablement à vouloir autre chose que ce qu'ils avaient connu, le bal du samedi soir et puis l'accordéon. On parlait tout à l'heure de l'électroménager. On a parlé de la machine à laver, d'un tas de choses. Mais moi, je me souviens, les électrophones qui permettait d'acheter des disques, hein, d'avoir des 45 tours et des vinyles à la maison. Donc, tu avais de la musique, si tu veux, autrement que par la radio, d'une certaine manière, donc que tu pouvais choisir, pardon. Depuis des années, oui. Ah ouais. Et les disques étaient chers à l'époque. Moi, je me souviens qu'un mox... Relativement par rapport au coût d'avis, c'était beaucoup plus cher qu'un CD actuellement. Ah oui, je pense, oui. Les 45 tours, ce qu'on appelait les micro-sillons 45 tours, ça allait encore. Ça allait encore parce mais les 33 tours... T'avais quoi? T'avais 3 airs dessus à peu près. En général, t'avais soit maximum 4, souvent 2. Maximum 4 sur les 45. Sur les deux faces. Sur les 45, oui. Pour les deux faces, ouais. Moi, j'avais eu un électrophone à ma communion 3 ans avant, faut pas l'oublier. Un Tepaz. Je m'en souviens quoi, il était rouge. Tepaz, ouais. Ouais. C'était un petit peu un mixage entre l'ancien monde, j'allais dire, et puis le nouveau monde, qui se mettait en place pour les loisirs. C'est-à-dire qu'il y avait encore le côté bon enfant, des petits bals, de fêtes, de tout ça, où on rentrait à 4h du matin, puis on recommençait encore le dimanche soir, entre parenthèses, on rentrait à 4h du matin le dimanche matin, puis on recommençait bien sûr le dimanche soir, et quelquefois, quand on travaillait, on avait l'impression que ne plus trop être au boulot, c'est tellement qu'on était fatigué, mais les jeunes remuaient énormément, donc c'était quand même le mixage entre les bals populaires et puis avec même dans ces bals populaires bien sûr les nouveaux chanteurs, les nouveaux groupes qui arrivaient là sur le tapis, c'est-à-dire une diversité beaucoup plus grande qu'avant. Pas forcément tous importés des États-Unis, il y avait des auteurs véritablement français. Il y a eu Wembley, quoi, l'île de Wight. Oui. L'île de Wight, je ne sais plus combien ils étaient, mais... Ah, c'était assez phénoménal. Mais c'est vrai qu'on a gardé en France, puis ailleurs dans le monde, je pense, ces traditions de festivals musicaux, évidemment. Heureusement. Par contre... Il y a le cinéma, on a gardé l'esprit festival, en fait, de 68. Oui, on a gardé l'esprit festival, mais malheureusement, on n'a pas gardé l'esprit local de fiesta. Ouais. Les petits bals, les petits groupes qui se produisaient, etc. L'argent s'est mis là-dedans. Là, ça s'est plutôt enfermé dans les boîtes. Oui. Dans les boîtes, c'est-à-dire que ça s'est commercialisé avec renfort de prix, etc. C'est-à-dire le côté convivial de la musique À part dans les grands festivals, qui étaient chers aussi, hein. L'entrée était chère, ça a brisé ça aussi. Hein. Mais... C'est-à-dire qu'on a commercialisé de plus en plus les loisirs. Oui. Hein, l'entrée de bal, bon, il y avait aussi le système alsacien, la danse aussi qui existait, c'est-à-dire que les filles ne payaient pas. Par exemple, la fille du bal était invitée et c'était le gars qui payait et c'était payé à la danse, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que si on n'avait pas envie de danser ou très peu. Bah. C'est un peu. En Alsace, je ne sais pas si ça n'existe pas encore. Alors là, je ne saurais pas te dire. Mais ça existait encore jusqu'à une période. Moi, je serais un peu serrée de participer à un truc comme ça. Enfin, mais c'est vrai que. Bah oui, forcément. Même les boîtes, Michel, tu parles des boîtes. Après les balles, il y a eu les boîtes. Et j'aime mieux les balles parce que les boîtes. Quand la techno est arrivée. Les boîtes ont fermé. Parce que c'était à la fin des années 80. La techno répondait un peu à un besoin. Après, il y a eu les DJ, quoi, il y avait tout ça. Ça répondait un petit peu à un besoin parce que justement, de plus en plus, la musique était en boîte et commercialisée. Oui, et puis les boîtes, c'était plus les années 80. Avec Gilles Kaplan. Gilles Kaplan. Celle-là, What que je préfère, je sais pas, Stéphanie de Monaco qui chantait comme un ouragan, Lio, Sabine Paturel, je veux dire, dans les années 80, il y a eu tout ça. Et on allait en boîte pour écouter ça. Il y a eu un moment, il n'y avait plus. C'est possible, oui. On va se accorder une pause musicale, hein, parce qu'on discute beaucoup, et puis on anticipe beaucoup après mai 68. Il faudrait quand même qu'on parle un petit peu aussi de la situation des jeunes, en particulier des femmes. Puis de maintenant, voir en tirer les exemplaires, comment ça peut évoluer. Ça a marqué quand même une sacrée rupture. Hein. Comment ça peut évoluer bras pour un morceau de pain. Voilà, mai 68, c'est vrai aussi que c'est tout un monde qui s'écroule, un monde nouveau qui s'édifie tout doucement. Hein. Là, tu disais en aparté, c'est vrai, l'évolution de la musique, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est à la fois, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les familles, on prône de plus en plus l'égalité. L'égalité, pourquoi ? Parce qu'avant, ben, le chef de famille, c'était un petit peu le pacha dans la famille. Là, ça devenait de plus en plus de pouvoir partager. Les jeunes se révoltaient contre l'autorité des parents, qui était très pesante. À l'usine, c'est pareil. Et puis surtout, on prônait l'égalité, parce que je me souviens, à cette époque-là, on ne croirait pas aujourd'hui. On disait, ben, il ne faudrait pas que les salaires ils soient... C'est-à-dire que les salaires, ils devraient être d'une échelle de 1 à 3. C'est-à-dire que le manœuvre ne devrait pas gagner moins de 3 fois, le salaire du cadre supérieur. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on s'envoie de 1 à 400 ou de 1 à 1000. C'est fantastique. Alors que là, véritablement, on avait un désir vraiment de changer la société. Ouais. Hein, qui était sur le modèle capitaliste ou sur le modèle soviétique. Mais c'était tellement capitaliste que souvent dans les films, dans les anciens films, on le voit, par exemple, les premiers fonctionnaires invitaient leur patron à la maison à déjeuner avec leur femme. Et c'était pour bien se faire voir, quoi. C'était uniquement pour être pistonné ou être bien vu dans l'entreprise. Ça a commencé à dériver à peu près avec les phénomènes spéculatifs des années 70-80, la première crise du pétrole, où on a après tout doucement, l'inflation a grandi hein, jusqu'à être à deux chiffres, même deux chiffres et demi, j'allais dire, hein, jusqu'à 15% d'inflation. Et à ce moment-là, on a beaucoup spéculé sur l'avenir, et les inégalités ont augmenté d'une manière terrible, et puis elles continuent d'augmenter aussi aujourd'hui, à tel point qu'elles sont devenues gigantesques, ces inégalités. Alors qu'au départ, notre génération, elle voulait absolument beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de justice sociale. Aujourd'hui, 50 ans après, non seulement la parole est de nouveau bâillonnée, hein, ben on le voit dans les différentes mesures. La parole est de nouveau bâillonnée, et puis en même temps, les inégalités ont progressé de manière gigantesque. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ça a progressé depuis 68 jusqu'en gros 81-82. Oui. Avec les lois Auroux, par exemple. Oui. Et après. Après les bagarres syndicales essentiellement ont consisté à essayer de maintenir ce qui était acquis, sans trop reculer, et on voit où on en arrive maintenant. Hein. La progression, on ne progresse plus. Ouais. On essaye de ne pas perdre ce qu'on a. Il y a eu pour les capitalistes, pour les patrons en particulier, l'arme redoutable du chômage qui a maté les salariés. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que le social recule à une vitesse gigantesque, non seulement en France, mais partout en Europe. Oui. Hein. La mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation, surtout financière, qui est terrible. Elle est terrible. Mais alors, si on essaie de conserver ce qu'on a acquis, est-ce que nous-mêmes, on n'entre pas dans la conservation, dans un conservatisme ? Ah ben, on peut avoir un conservatisme social, dans le sens où on dit aucune raison, il n'y a aucune raison qu'on recule au point de vue social. C'est pour ne pas se faire bouffer. Dans la nature humaine, je pense quand même qu'on veut un peu plus de bien-être, etc. Oui. On veut un peu plus de liberté, on veut un peu plus d'égalité. Évidemment. Maintenant, ce qu'on nous impose aujourd'hui, c'est véritablement des reculs sociaux. Alors bien sûr, pour certains, voir les réformes actuelles, c'est du progrès. Hein. C'est pas du progrès social, bien sûr, mais c'est du progrès dans la société. Économique. Pour libéraliser économiquement la société, mais par contre, ça crée des inégalités, des injustices sociales de plus en plus fortes. Alors ce conservatisme, social qui s'est basé sur des acquis du Comité national de la résistance, en particulier l'après-guerre, où véritablement on voulait, nos pères voulaient un monde nouveau, hein, qu'ils ont commencé à créer, hein, puis qui a bifurqué seulement en 68. Et pas que les progressistes à l'époque. Enfin, ils étaient tous progressistes parce qu'ils voulaient du progrès. À voilà. Mais à l'époque, il y avait les gens de droite, il y avait les gens de gauche, il y avait le Parti communiste, il y avait tout un tas de monde qui s'était mis ensemble. Le Conseil national de la résistance, c'était ça, parce qu'ils voulaient du progrès pour tout le monde. Oui. N'oublions pas. Oui. On en est bien loin maintenant. Mais comme avant-guerre. Je dirais que 36. Faut dire les choses comme elles sont. Et puis c'était préserver même, les acquis. C'était même 36, c'était un conflit social. Hein. C'est un conflit social très dur. Là, c'était des gens. Il y avait des gens de droite, des gaullistes, des gens qui n'étaient pas nécessairement des révolutionnaires, je dirais, dans l'âme. Oui. Il fallait reconstruire la France. Il s'était rendu compte des choses aussi. Il voulait vraiment que la classe ouvrière soit partie prenante dans la reconstruction de la France. D'ailleurs, récemment, il y a eu tout un film documentaire sur la grève des mineurs de 1946, le rôle des mineurs pour reconstruire la France. Et puis après, ils sont mis en grève parce que tous les avantages sociaux qu'ils avaient acquis par leur travail, hein, par leur volonté de redresser la France, parce que le charbon était essentiel, la bataille du charbon était essentielle pour reconstruire la France. C'est quel film ? En 1947, on leur a tapé sur la gueule. C'est quel film, Michel ? Alors, je ne sais plus le titre. Je crois que c'était le charbon ou un truc comme ça. Enfin, c'était la grande. Ça se terminait par la grève des mineurs et puis la répression, y compris sanglante, dans le nord de la France. Il n'y a pas que Germinal. Hein. Germinal, c'était un siècle plus tard. Oui. Mais là, c'était aussi sanglant. Hein. Vous voyez l'armée et un ministre socialiste, soi-disant socialiste, Jules Moc a envoyé l'armée sur les mineurs. Sur d'accord, les mineurs, d'accord. Il y a eu un mort d'ailleurs, je crois bien que c'était vers Béthune ou un truc. Ouais, peut-être bien. Je ne sais plus. Moi, je voulais enfin, aussi... Ça fait partie de notre histoire ouvrière. Je crois que quand même, les progrès sociaux, certains pourront parler de conservatisme social, mais ces progrès sociaux étaient essentiels. Essentiels bien pour sûr, que tout le monde puisse partager les fruits. Les fruits de l'évolution économique à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire, quoi. Hein, c'est d'abord, il y a un déport, il y a un report absolument faramineux des revenus primaires aux revenus du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on engraisse essentiellement le capital et puis la spéculation. Mais là, c'est vrai que si j'ai bien suivi, depuis le début du mois de mai, il y a pas mal de grèves. On voit ça en France. Michel, mais parce que là, c'est pas est-ce pareil. Est-ce que vous voyez une évolution derrière quelque chose de positif derrière tout ça ? Le positif, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte différent de mai 68, puisqu'en mai 68, c'était acquérir des droits nouveaux. Hein, y compris pour les femmes, d'ailleurs. Pour tout le monde. C'est de là qu'est arrivée véritablement une véritable révolution féministe. Hein. Oui. Et Julie Pagis, qui est, je crois, une sociologue, a dit comment expliquer que 50 ans après mai 68 déchaînent encore les passions. Elle disait justement, à la question-là, elle disait justement que le rôle des salariés était reconnu et que les enfants des 68 ans ne sont pas en opposition avec leurs parents, mais ils ont récupéré en quelque sorte les avancées de mai 68, y compris dans les mentalités surtout. Hein. Ça a progressé non seulement sur le terrain parce que le SMIC a augmenté, parce qu'il y a des droits nouveaux pour les travailleurs, il y a eu moins d'inégalités, mais il y a aussi plus de liberté. Et donc, la parole des femmes a commencé véritablement, les mouvements féministes comme le MLF est né après mai 68. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, je vais essayer de préciser ma question. Après ce mai 2018, un peu agité, il y a les mais là, grèves, mais là, on est dans un contexte ouais. où véritablement... Là, les salariés se battent pour préserver des acquis essentiels. Oui. Ils ne se battent plus pour de nouveaux acquis. C'est la différence. Hein. Oui. C'est la différence, oui. puisque c'est préservé au lieu de... De toute façon, on recule à une vitesse, hein, comme diraient certains, on est dans la France en marche. arrière aujourd'hui. Oui. Et donc, donc aujourd'hui, les salariés se battent pour préserver des statuts, pour préserver des libertés, des acquis sociaux. Une des dernières, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas tout à fait une conquête sociale parce qu'elle n'est pas arrivée sur un mouvement social. C'était une loi, la loi des 35 heures. La loi des 35 heures. Elle est en train de... Il dynamite les derniers, déjà bien été usés, érodés et détournés au fil du temps. Et là, ils sont en train de dynamiter les derniers, les fondations. Bien sûr. Mmh. Alors que quand on regarde l'histoire, depuis 150 ans, Michel, tu me contredis, la durée du travail n'a fait que diminuer. Mmh. Et logiquement, elle devrait encore diminuer. Oui. Et on est en train de, d'essayer de faire le contraire. Je pense que l'appareil économique, les employeurs, les patrons en général, anticipent déjà parce qu'ils savent que la génération employable, va diminuer en nombre. Et automatiquement, comme il faut maintenir le chômage à un niveau élevé pour pouvoir mater un petit peu les salariés, aujourd'hui, on veut à nouveau que la durée du travail augmente. Mais c'est Michel, certain. Pourquoi tu dis que la génération employable va être en moins nombre forcément. Et qu'on est de plus en plus sur Il y aura de plus en plus de retraités et puis de moins en moins d'actifs proportionnellement. Oui, mais on est... Moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Oui, mais on est de plus en plus sur Terre. Mais je parle de la France, niveau français, au niveau européen. Il ne faut pas oublier quand même qu'en Allemagne, par exemple, ils ne renouvellent pas les générations. Il y a beaucoup de pays qui ne renouvellent pas la France est le seul pays dont le taux de natalité continue à être stable en Europe. D'accord. Un cours qui commence à chuter. Oui, bon, tu dis quoi, Michel, en Allemagne? En Allemagne, les naissances ne renouvellent pas les générations. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on n'est pas à deux enfants. Ils sont pas compensés par les décès, si tu veux. On n'est pas à deux enfants par femme, quoi. Oui. En gros, c'est ça, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que... C'est une population vieillissante. Ah, et puis une population de plus en plus. Voilà. Il ne faut pas oublier que la génération de 68, justement, dont on fait partie, aujourd'hui, elle est déjà en retraite. Oui. Il y en a déjà une bonne partie, oui. Tout à fait. Michel. En profite pour nous aider. Mais moi, je voulais aussi aborder la question de l'Église dans mes 68. L'Église, à partir de mes 68, le point positif qu'il y a eu, c'est il y a eu Vatican II avant. Il y a eu Vatican II et la création. Ouais. Et il y a eu les prêtres ouvriers qui sont venus, dans les services, dans l'industrie, etc. Dans une idée de conforter les acquis sociaux, d'être aux côtés des ouvriers, de faire leur sacerdoce aux côtés des ouvriers, des employés, c'était un petit peu la poursuite un petit peu de ce qui s'était passé avec l'abbé Pierre dans un sens. Oui, l'abbé Pierre c'était pour les sans-abri. Oui. Par la suite, il s'est mis en place des prêtres ouvriers, etc. Depuis, bien sûr, les prêtres ouvriers ont été désavoués parce que l'Église a repris le parti des puissants et de la bourgeoisie, on va dire. Mm. Sauf peut-être aujourd'hui, il y a une inflexion certainement avec le pape François, mais on a assisté quand même au niveau de l'Église catholique en particulier. C'était pas forcément vrai chez les protestants, alors qu'une reprise en main un petit peu des prêtres qui voulaient militer aux côtés des ouvriers, quoi, des ouvriers, des employés. François Le Dosto, il y a eu beaucoup d'intellectuels qui sont intéressés à... C'était sur la famille, surtout. N'oublions pas Simone Veil. Simone Veil. L'autonomie de l'enfant. Il y a eu tout un tas d'intellectuels. Et Wannewirth. Comment? Il y avait eu les Wannewirth, qui autorisaient la contraception. La contraception, exact, oui. Suivi de la loi qui autorise l'avortement de Simone Veil. Ouais. Avec mais je vois les hippies, j'aime bien comme ils s'habillaient. Les hippies, ils lisaient beaucoup, la plupart c'était des intellectuels, de toute façon les étudiants c'était quand même des intellectuels en général, Mais il lisait beaucoup de livres de spiritualité. Mmh. Alors, Michel, Guy, vous avez lu des livres comme ça, un peu spirituels? Je pense qu'il y a eu dans l'après 68, hein, c'est Les Chemins de Katmandou aussi, il ne faut pas l'oublier, ce film. Oui, ce film qui a marqué l'histoire. Mmh. Je crois qu'il y a eu des communautés qui se sont mises en place, hein, qui fumaient de l'herbe, bien sûr, en particulier, mais pas seulement. Hein, il ne faut pas faire une caricature du communautarisme qui s'est installé après mai 68, qui était déjà installé avant, hein, en particulier aux États-Unis, les hippies ou d'autres formes de vie collective qui refusaient la société de consommation ou ils prêchaient le retour à la terre. Oui, voilà, c'est ça. Les hippies prêchaient le retour à la terre. Pas forcément les hippies, mais les générations. Il y a eu un mouvement qui vient. Oui. Bon, on prend ils toujours dans la Creuse, la Lozère, l'Ardèche, des chèvres. D'ailleurs, j'ai lu dans un magazine que la Creuse, la Lozère et les Vosges avaient été touchés par le mouvement en premier du côté des paysans. Pas trop les Vosges. Les Vosges, pas trop, non. Pas trop les Vosges. L'Ardèche était complètement désertifiée. Il n'y avait même plus ni de chemin de fer. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de ligne de chemin de fer à l'Ardèche. Pas non plus. C'était vraiment un département qui était désertifié. Puis il y a des gens comme... Il y a des artistes qui se sont installés, comme Jean Ferrat. Puis après, et énormément de petits cultivateurs. Dans l'esprit de 68, il y a la grosse contestation, la grosse bagarre du Larzac, par exemple. Bagarre du Larzac contre l'armée. Contre l'extension du camp militaire de la cavalerie. Voilà. Et ça aussi, c'est un héritage de mai 68. Il y a quelque chose. Des militants qui sont installés sur le Larzac. Il n'y avait pas que les cultivateurs. Ça avait soufflé, l'esprit, le vent avait soufflé dans les têtes. Et notre ami regretté André Joly avait débarqué, il était de la génération de mai 68 aussi, il avait débarqué sur le Larzac comme objecteur de conscience à l'époque. Voilà pour la petite histoire des Vosgiens en particulier. Et l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est aussi les mouvements. 68. Ah oui, 68, c'était aussi les mouvements antimilitaristes après. Hein, les objecteurs de conscience, qui allaient en prison d'ailleurs au départ. Il ne fallait pas l'oublier. Le service militaire était obligatoire. Et voilà. Mais il y a des tas d'héritages comme ça de mai 68. Qu'on peut répertorier. On passerait une journée complète à répertorier un petit peu tous les mouvements qui sont créés, dont les radios locales, entre parenthèses. On est dans une radio locale et c'est vrai que c'est bien d'en parler. Ah, 78, déjà, les premières radios libres. Comme ça, libres, se sont mis en place 10 ans après mai 68, mais c'était déjà des militants de mai 68. Voilà, on arrive au terme de cette émission, hein, malheureusement. On n'a pas écouté la chanson. Bah oui, ça sera pour le prochain grave. Coup. Mmh. C'est pas grave. Je voulais finir sur... Enfin, moi, c'est beau ce que vous avez dit. Le vent avait soufflé dans les têtes. J'espère qu'il ressoufflera. Oui, on espère toujours qu'il ressoufflera, parce qu'on ne peut pas rester sur toute cette situation actuelle qui sclérose complètement notre société, entre parenthèses. Mmh. Enfin, le fric qui sclérose complètement la société aujourd'hui, quoi. Mmh. Hein, même pour l'accès aux soins, on l'a vu pendant ces 3 jours à des matins, entre parenthèses. Voilà. Bon, je vous souhaite une très très... Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir.